C'est les machines qui commencent à prendre le pouvoir. C'est Mini Vibe 100 dans la Vendaille sur Dubatec Radio. Yes, je viens vous mettre un petit peu de tech. Yes, chaque samedi, chaque nuit de 21h à 8h. C'est une playlist 100% tech. Yes, et là je suis un petit peu motivé. Alors je viens vous faire un petit live. Les Marseillais t'ont mis un truc dans ton cul. Thank you.

Les Marseillais t'ont mis un truc dans ton cul. This is

Quiet Zone. on fume un pétard, on fume un pétard. Welcome on Stockholm Tech Radio. Mais Marseille, t'en mets un truc dans ton cul. Living by its zone, living by its zone. On fume un pétard, on fume un pétard. Welcome on Stockholm Tech Radio. Living by its zone.